Leçon 13. 13e leçon. Chez les Louviers. Première partie. Madame Louvier est chez elle. Mon mari et moi habitons un appartement à Paris. J'aimerais habiter une maison plutôt qu'un appartement. J'aimerais avoir un jardin et faire pousser des légumes et surtout des fleurs. Mais mon mari travaille en plein cœur de Paris. Je ne voudrais pas l'obliger à faire la navette. Entre la banlieue et son bureau. Notre appartement est bien situé. Il est dans un quartier calme. Il est dans un vieil hôtel particulier. Pas dans un de ces immeubles modernes en ciment armé.